Section 40 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 40. Prague et les Bohémiens, par Vicomte Marie-Eugène Melchior de Voguet. Prague et les Bohémiens. Nous ne saurons jamais par quelle secrète convenance l'histoire a choisi certains lieux pour y installer ses grands métiers. Comme l'araignée des ruines, elle y tisse sa toile jour à jour, siècle à siècle. Les événements et les hommes fameux viennent y tomber. Elle les dévore. Et, un ramassis de pierres, tout sonore de souvenirs, retient le voyageur par un attrait invincible. La vieille capitale de la Bohême est un de ces lieux. Aux confins occidentaux du monde slave, le Hradčín de Prague se dresse comme le pendant du Kremlin de Moscou. Ces deux acropoles empruntent un air de famille à la ressemblance des sites, plus encore à la ressemblance des histoires, au caractère uniformément tragique des visions qu'elles évoquent. Au bord de la Moldau, comme à ceux de la Moscova, tout parle d'un long passé d'extermination, de guerres étrangères et civiles, de supplices et de misères. L'homme a donné ici tout leur jeu à ses plus violentes passions. Il y a beaucoup souffert. Par une singulière transmutation, ces grands dépôts de souffrance se changent en un trésor de joies intellectuelles pour le curieux des âges suivants, qui passe, se souvient et rêve. Le Hradčín de Prague était le boulevard avancé du slavisme, rocher aventuré dans l'océan germanique et toujours battu par ce dernier. Il a soutenu sans un jour de trêve les assauts de l'Empire, du Prussien, du Suédois, du Français. Les plus mémorables tragédies des derniers siècles ont concentré leur action principale sur cette étroite scène, guerre des Hussites, guerre de 30 ans. Guerre de la succession d'Autriche, guerre de 7 ans. Le Hradčín en porte encore les cicatrices. Le vaisseau gothique qui le domine n'est qu'un tronçon de cathédrale, un chœur sans nef. Les guerres n'ont laissé ni loisirs ni argent pour l'achever. Dans cette église aux verrières mutilées par les balles, les ex-voto qui pendent des voûtes sont des boulets de fer, souvenir de Frédéric de Prusse. Tout est monument de violence sur cette terre. On franchit le pont du XVe siècle qui la relie à la ville basse et fait l'une des beautés de Prague, avec son peuple de saints debout sur les parapets. Une plaque de bronze y marque la place d'où saint Jean Nepomucène fut précipité dans la Moldau. On gravit les pentes du Hradčín, on entre dans le vieux château. Voici la salle d'où est sortie la guerre de 30 ans. La fenêtre historique d'où les commissaires impériaux furent précipités dans le fossé, remplacée aujourd'hui par les pelouses d'un jardin anglais. Cette chronique de précipités donne le vertige. Il semble que le goût dominant des bohémiens fut de s'envoyer les uns les autres dans le vide. Pour se justifier, après la défenestration de 1618, ils alléguèrent que c'était une coutume antique de leur pays de jeter par la fenêtre les ministres prévaricateurs. Moyen, comme un autre, d'abréger les crises ministérielles. L'ancien château des rois de Bohême est englobé dans un vaste développement de palais plus modernes. Salle magnifique et solitaire, ranimée de loin en loin quand l'empereur ou le prince héritier y viennent donner un bal. Ces réveils de vie sont rares. Les harmonies mystérieuses qui décident la destination des demeures semblent désigner le Hradčín pour servir de retraite aux grandeurs finissantes. Il a abrité la vieillesse exilée du roi Charles X et les dernières années de l'empereur Ferdinand après son abdication. La cathédrale et les palais cachent à leur ombre les lieux de justice, sur le revers septentrional du plateau. C'est le groupement de rigueur des grands services publics dans toute citadelle souveraine du Moyen-Âge. Il rend sensible aux yeux le lien et la prééminence des trois pouvoirs d'alors, l'Église, le roi, le bourreau. J'entre dans une cour de ferme où des enfants s'ébattent joyeusement sous les grappes rouges d'un sorbier. C'était la place des exécutions pour les gentilshommes, ainsi qu'en témoignent les écussons des grands juges, scellés dans le mur. À quelques pas plus loin, la tour d'angle du rempart servait de prison à la noblesse. La Daliborka est amplement pourvue de caveaux, de trappes et d'oubliettes. Elle doit son nom à Dalibor, un chevalier brigand qui épouvanta le pays par ses cruautés et fut condamné à périr de faim dans une chambre de la tour. Ce bandit était grand musicien. Il demanda un violon et joua tant qu'il eut des forces. Quand l'archet tomba de ses mains, l'âme partit, on jetait le reste dans le puits, où la vieille bohémienne qui me guide descend une lampe pour me faire voir les ossements du prisonnier. Cette femme raconte avec complaisance l'histoire de son héros, telle que la reproduit une ancienne et gauche peinture appendue à la muraille. La légende du Dalibor est demeurée très vivante dans le peuple de Prague. Partout, le peuple garde une certaine tendresse à ceux qui l'ont bien fait pâtir et qui ont pâti à leur tour de la justice. Par la meurtrière de cette chambre, les yeux plongent dans le ravin sauvage qui servit de défense à la ville sur le front ouest. Une forêt de chênes et de bouleaux en escalade les pentes. Elle déroule au pied de la Daliborka un épais tapis de verdure, horizon de chartreuse, sévère et superbe, fait à souhait pour détacher du monde les regards d'un condamné. C'est la tour et le caveau de Chillon, avec une mer de feuilles en place des eaux du lac. Pour rendre plus célèbre Dalibor et sa prison, il ne manque ici que la visite d'un biron. Une abbaye de Prémontré couronne la montagne. En redescendant les ruelles désertes, je croise quelques-uns de ces moines. On ne rencontre guère, là-haut, que leurs robes blanches, frôlant les vieux murs. Et c'est bien leur place, passant d'un siècle indécis, ces religieux tiennent des ombres qui hantent leur Hatchine autant que des hommes d'en bas, dont ils ont abdiqué les soucis et les passions. Désert également est le faubourg des grandes maisons de Bohême, blotti sous la protection du Hatchin, entre le pied de la colline et la Moldau. Il faut s'y arrêter pour comprendre la solide assiette et la puissance de cette aristocratie féodale, encore établie dans les pierres du passé. Ses lourds palais, aux corniches italiennes, rappellent ceux de Rome. Par sa masse et sa fière tournure, celui des Wallenstein égale presque le palais Colonna. Maison hautaine et décrépitée, trop vaste pour la vie moderne, qui témoigne d'une opulence disparue et de traditions maintenues quand même. L'architecture est sans grâce, l'emplacement est triste. L'herbe croît sous le pavé silencieux, la rouille mord les grilles. Quelle est donc la beauté de ces bâtisses? C'est la beauté du vieil orgueil, lentement doré par le temps. On devine que les maîtres de ces demeures s'y ennuient, en compagnie des siècles, mais ne déchoient pas dans le respect populaire. Quand ils en sortent pour aller à la chambre des seigneurs, les souvenirs et les espérances leur font cortège. Au palais des Wallenstein, rien n'a été changé dans l'aménagement intérieur depuis le glorieux condottiere. Son cheval de bataille, empaillé dans la grande salle, attend encore le sauveur de l'Empire. On me dit que dans leur publication récente, les érudits allemands viennent de réveiller le débat sur cet énigmatique personnage. La nouvelle école veut prouver qu'il fut un simple bandit. Dispute oiseuse sur des mots. L'âme était peut-être la même chez Dalibor, chef de quelques détrousseurs, et chez Wallenstein, général de 60 000 reîtres. Mais les mots n'ont pas de commune mesure pour eux, le dernier ayant opéré en grand et avec plus de bonheur. Wallenstein eut beaucoup de bonheur. Ses astrologues lui en vendaient de son vivant. Schiller lui en a donné après sa mort. On montre son talisman à la Schatzkammer de Vienne, au milieu des diamants de la couronne d'Autriche. Sur ce disque de métal, des signes obscurs sont gravés sous une conjonction d'étoiles heureuses. Ces signes révèlent-ils l'effroyable mystère d'injustice d'après lequel nous estimons la valeur des hommes et des diamants? Héros ou brigands, objets d'admiration ou de mépris, brillants qui ornent la main ou morceaux de charbon qui la salit, par le seul caprice d'un hasard de cristallisation jouant avec des éléments identiques. Repassons le fleuve. Autre théâtre, autre acteur. C'est Hallstatt, la ville bourgeoise et universitaire du XVe siècle. En voici le cœur, la place de l'hôtel de ville, entre la maison du conseil et la Theinkirche, la première église où Jean Hus prêcha sa doctrine. Sur la façade, au-dessus de la rosace, on voit une niche vide. Elle abritait le calice d'or, emblème de la nouvelle foi, durant la courte domination des Utraquistes. Après leur défaite à la bataille de Bemisbrot, il fut précipité, lui aussi, au-dessus de la niche hérétique. On plaça une statue de la Vierge, victorieuse de l'erreur. Une autre statue semblable surmonte un fût monolithe au centre de la place. Les impériaux l'érigèrent plus tard pour consacrer le triomphe définitif de l'orthodoxie. Je dis les impériaux. Mon guide, un patriote tchèque, prononce les jésuites et il accentue ce mot avec l'intonation que devait lui donner un libéral de 1829 parlant de la conspiration de Saint-Acheul. Les fils de Saint-Ignace ne pouvaient guère opprimer la Bohême au XVe siècle puisqu'ils n'étaient pas nés. Qu'ils y aient eu depuis une grande influence, les pierres en témoignent. Prague est faite de plusieurs villes, superposées au cours des âges avec la régularité des stratifications géologiques. Chacune d'elles garde sa physionomie distincte. Dans celle du dernier siècle, monuments, églises, statues, tout est caractérisé par le style architectural auquel la célèbre société a donné son nom. Durant cette période, on n'épargna rien pour étouffer les souvenirs des Hussites et les dernières étincelles de l'hérésie. Mais l'histoire a des retours et d'étranges résurrections. Voici que de nouveau, le nom de Jean Hus remplit cette ville. J'essaierai d'expliquer plus loin par quel compromis patriotique la catholique Prague entoure de vénération et d'amour la mémoire d'un hérésiarque, si bien qu'il semble être le véritable patron de la cité. Sans avoir les mêmes raisons que les patriotes de Bohême, il est difficile de ne pas consentir par quelque endroit à leur indulgence. Par la qualité morale des âmes, ces premiers réformateurs de 1400, un Jean Hus, un Savonarole, sont bien supérieurs à leurs successeurs plus heureux. Ces derniers étaient poussés par le courant de leur temps et souvent par des vues personnelles. Politiques autant que visionnaires, ils firent pacte avec les intérêts humains et réussirent comme un parti d'opposition qui arrive au pouvoir, en tolérant bon nombre des abus qu'ils combattaient la veille. Leurs devanciers du XVe siècle furent de purs idéalistes. Dans cette petite maison, de la place de Bethléem à Prague, comme dans la cellule de San Marco à Florence, un religieux, levant les yeux de dessus sa Bible, s'avisa un jour de regarder le vieux monde. Il s'épouvanta du poids d'iniquité sous lequel ce monde pliait. Sans se demander s'il était suivi, sans mesurer la portée de ses coups aux destructions possibles, il sortit sous ce parvis de la maison de ville. Il monta dans cette chaire de la Theinkirche pour proposer à ses contemporains un rêve absolu de réparation chrétienne, de liberté et de socialisme. Mis en demeure de choisir entre son rêve et sa vie, il se laissa lier sur le bûcher plutôt que de renier son idéal de justice. « Je meurs dans les flammes parce que j'ai aimé la vérité et la justice !» criait son fidèle disciple, Jérôme de Prague, quand la fumée lui ferma la bouche. Disaient-ils vrai, ces hommes ? Non, au sens où ils l'entendaient. Oui, en un sens supérieur. Égarés par leurs habitudes scolastiques, ils estimaient la réforme morale inséparable de nouvelles propositions dogmatiques. Il paraît que ces propositions étaient erronées. Ce sont la matière cachée à l'entendement d'un laïc. je ne doute pas que les doctrines de Prague eussent tort contre l'interprétation de tout le concile. Néanmoins, ils moururent pour la plus haute des vérités, qui est de se sacrifier sans réserve à ce que l'on croit juste de tout son cœur. L'âge de la scolastique a fait place à l'âge de la morale. Le temps a donné à notre esprit un autre tour. L'homme nous apparaît comme un instrument créé pour la recherche de la vérité, mais qui n'en détachera jamais que d'infimes parcelles. Le bloc d'or est inaccessible. Qu'importe ? Nous savons qu'il est là, qu'il ne peut pas y être, que toutes les parcelles contestées en proviennent et qu'il est puéril de se quereller sur leurs valeurs respectives. Aussi sommes-nous touchés par la beauté et la droiture de l'instrument plus que par le résultat de son travail, qui comporte tant de chances d'erreur. Nous honorons tout martyr, moins pour la justesse de son raisonnement que pour la constance de son âme. Nous n'en croyons plus des témoins parce qu'ils se font égorger. Au contraire, cet emportement de passion nous semble un mauvais répondant de la clairvoyance intellectuelle. Mais nous les admirons et nous les aimons d'autant plus que nous nous sentons moins capables de leur sublime folie. Et voilà comme on est entraîné à philosopher en s'arrêtant devant ces portes d'où les souvenirs sortent à chaque pas. Il est temps de rentrer dans la ville moderne, qui en sert de ses larges boulevards le labyrinthe des vieux quartiers. Pourtant, l'un d'eux réclame encore notre visite et ce n'est pas le moins curieux. La communauté juive de Prague compte parmi les plus anciennes de l'Europe. Toutes les recherches pour lui assigner un commencement restent vaines. La ville des Juifs, emprisonnée dans un coude de la Moldau, existait déjà au XIIIe siècle, avec ses ruelles anguleuses, ses chétives maisons, ses synagogues, ses écoles. À celle-là, ne demandez pas de changement, de transformation qui reflète les grandes aventures historiques. Elle persiste à l'écart, immuable et incolore, déversant ses générations dans ce cimetière qui est un but de pèlerinage pour les pieux israélites de toute l'Allemagne. Ils viennent jeter deux ou trois petites pierres, suivant le rite, sur les tombes où reposent des rabbins en renom de l'ancien temps. Mais rien ne distingue ces sépultures vénérées de leurs humbles voisines. Dans nos nécropoles, chacun garde sa condition. Chacun cherche à perpétuer un peu de son bruit ou de son faste. Ici, la journée faite, on disparaît dans l'égalité du peuple anéanti. Ces dalles tumulaires, couvertes d'inscriptions hébraïques, me rappellent celles qui s'entassent en désordre dans le lit desséché du cédron, sous le mur d'enceinte du temple. Elles ont le même aspect errant et désolé. C'est faire l'aumône à ces ossements exilés que de leur parler du vallon de Josaphat, du dernier coin de patrie où les fervents viennent mourir de tous les points du globe pour y retrouver un peu de la terre promise, de la terre perdue, qu'ils reçoivent seulement quand ils ont fermé les yeux. Me voici quitte envers les morts et le passé. Maintenant, il faudrait tâcher de déchiffrer la page sur laquelle les vivants continuent d'écrire l'histoire de ces pays. Fin de la section 40, lue par Agnès, Obi, 2024.